Je suis avec Marion et Martin d'AFANMR pour nous parler de la sortie de leur nouvel album Utopie qui sortira donc le 30 octobre 2025. Merci à vous d'avoir fait le déplacement pour venir me parler de ce nouvel album. Et merci beaucoup de nous avoir invités. Bonjour Nico et merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez commencer par me parler un peu de votre groupe et des grandes étapes qui ont cheminé là pendant ces 11 dernières années pour en arriver à la sortie d'Utopie cette année ? Oui, bien sûr. En fait, AFANMR, à la base, c'était un projet solo que j'ai créé en 2014. Donc, ça fait très longtemps. Juste pour finalement sortir la musique à l'époque que j'avais composée tout seul, que j'avais mis un petit peu sur YouTube. À la base, il y avait un premier EP qui s'appelait Know Thyself, qui était instrumental. Et juste après, donc toujours en 2014, j'ai commencé à chercher des personnes pour faire un groupe parce que les concerts, pour faire des concerts, c'est quand même plus pratique. Ouais. Et c'est à ce moment-là que Marion a rejoint le groupe. Et dans la foulée, on a sorti trois albums. Là, on va en sortir un quatrième. On a sorti trois albums, donc Memento Mori en 2016, Procopton en 2019 et A Dream of Wilderness en 2021. Et donc, on arrive à Utopie qui enfin va sortir à la fin du mois. Et donc, Marion, toi, tu es arrivée finalement aussi au début du projet. Oui, assez rapidement. Et d'ailleurs, c'est grâce à une association un peu comme la vôtre, Actu Metal Toulouse, que j'ai rejoint le projet, puisque Martin avait posté un article où il présentait son EP solo et son projet AFANMR sur ce site. Et c'est comme ça que j'ai connu le projet et que j'ai décidé de postuler, puisqu'il cherchait une personne pour le chant et aussi pour la guitare rythmique. Et, alors, AFANMR, c'est un groupe de death metal mélodique. Il y a tout ce qu'il faut du death metal mélodique, donc une voix qui envoie, qui crie fort. Il y a des guitares très mélodiques, une production qui est très bonne. Mais vous avez quand même aussi vos petites particularités par rapport à, on va dire, le death metal d'origine, le suédois. Vous avez beaucoup à l'intérieur de parties, je dirais un peu plus de musique classique ou même un peu symphonique. Et ça, c'est une touche, c'est vraiment votre signature. D'où ça vient cette volonté d'intégrer ces éléments-là ? C'est venu de façon assez naturelle finalement au fil des albums, parce que si on écoute la musique d'AFANMR au tout début, sur le premier EP, il y avait un petit peu quand même de son symphonique, de synthé, etc. Mais il y en avait quand même beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et finalement, à chaque album, ça augmente. C'est ce que j'allais te dire. Oui, En fait, sur notre nouvel album, il n'y en a pas forcément plus que sur le précédent. Je pense qu'il y en a un petit peu moins, mais que c'est mieux utilisé. Avec un petit peu, j'ai un petit peu plus d'expérience. En tout cas, il n'y en a pas plus. Et je pense que ça vient juste du fait que, premièrement, dans mes influences, dans la musique que j'écoute, il y a la musique classique, mais aussi il y a de la musique de film, de la musique de jeux vidéo, de la musique traditionnelle avec des instruments bizarres, genre des flûtes un peu bizarres, etc. Et ça me fait apprécier tous ces instruments-là. Et aussi une deuxième raison qui est que avoir toutes ces orchestrations, avoir tous ces instruments, ça permet d'avoir des couleurs qui sont très particulières et que, en fait, on ne pourrait pas reproduire uniquement avec des guitares, une basse et une batterie, ou du moins je ne sais pas le faire. Donc ça s'est fait naturellement avec des goûts et aussi ce que ça peut vraiment apporter au niveau du son. Il y a un effet assez épique dans votre musique qui est encore plus marqué, je trouve, sur ce nouvel album. Alors c'est possible. Vous n'avez peut-être pas ce ressenti là, vous, de votre côté. Alors je ne sais pas quel est le ressenti de Marion. Quel est ton ressenti ? Moi, je voulais ajouter que Martin, en fait, c'est quelqu'un qui est un compositeur avant tout. C'est-à-dire que nous, on ne procède pas comme beaucoup de groupes, c'est-à-dire qu'ils composent ensemble dans un studio, etc. Martin lui compose vraiment la musique tout seul. Avant d'être un compositeur de métal, c'est un compositeur tout court, et c'est aussi pour ça qu'il y a tous ces instruments. Est-ce qu'on fait de la musique épique? Non, la question, c'est est-ce que c'est plus épique qu'avant? Est-ce que c'est plus épique? Alors moi, je trouve que oui, c'est plus épique. Je trouve que oui. Maintenant, Je suis d'accord. Je ne suis pas certaine que ce soit quelque chose qu'on ait cherché. Je... Alors, en fait, non, je ne sais pas. Alors, c'est jamais quelque chose qu'on cherche. Enfin, en tout cas, on ne compose pas de la musique ou on n'écrit pas des paroles en se disant, là, il faut que ce soit épique parce que, bon, voilà, on ne procède pas comme ça. Mais c'est vrai qu'après, en écoutant les morceaux et surtout avec un thème comme Utopie, en fait, forcément, si on traite un thème comme Utopie et qu'on n'a rien qui est héroïque, qui est épique, ça veut dire qu'on s'est loupé quelque part. Oui, je pense que le thème nous a influencé probablement. Je comptais vous en parler plus tard, mais est-ce que vous pouvez nous présenter justement le thème d'Utopie ? Oui. Bah, tout est un peu dans le nom, mais... Oui, voilà, le mot en lui-même parle de lui-même. Tout le monde peut comprendre immédiatement quel est l'idée... Et pourquoi on a choisi ce thème? Tout simplement, ça nous a inspiré pour composer cet album. Hein. On en discutait avant, c'est comme ça qu'on procède en général avec Martin, on discute du thème de l'album en amont tous les deux. Et oui, ce thème-ci l'a beaucoup inspiré et ça l'a inspiré à composer cet album, donc c'est pour ça qu'on l'a choisi. Et oui, ça nous a influencé donc, dans la composition voilà, et l'écriture générale de l'album, quoi. Je reviens sur mes questions un peu plus dans l'ordre. Je vais parler de, on va dire, le point qui fâche. Rien de. Ah bon. Non, je dis ça. Non, c'est juste que vous en êtes à votre quatrième bassiste dans votre histoire. Voilà. Non, c'est dans ce sens-là que je veux dire le point qui fâche. Est-ce que c'est un peu dur de. Oui, je comptais si tu en avais oublié un, mais non. C'est non, bon. Je crois pas. Enfin, après, peut-être. Non, souvent, mais... le tout premier, les gens l'oublient. C'est pour ça. Non, en fait, ma question, c'est, étant donné que vous avez des thèmes établis, un style bien établi et un peu spécial, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes le cœur qui travaillait depuis le début avec votre batteur qui est aussi là depuis le début. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, quand le nouveau bassiste arrive dans le groupe, c'est pas un peu plus dur aussi de s'approprier le projet quand c'est un projet qui est déjà construit et vécu par tout le groupe Alors, je dirais, Martin va après développer, je pense, mais il aura des choses à dire, mais c'est plutôt que c'est difficile de trouver la personne adéquate pour intégrer un groupe qui s'est construit depuis 10 ans avec des membres qui sont là depuis le début. Et la personne adéquate, c'est aussi la personne qui veut prendre la place qu'on propose. C'est-à-dire que Martin, comme je te l'ai dit, compose toute la musique. Donc, bien sûr, si quelqu'un souhaite rentrer dans le groupe et composer, ça ne peut pas fonctionner. Oui. Puisque c'est son projet au départ et c'est lui qui compose la musique. Et puis vous fonctionnez comme ça et ça fonctionne très bien. Tous les groupes ont une manière de fonctionner différente. Et une nouvelle personne qui est intégrée au groupe doit s'intégrer dans cette manière de fonctionner-là. Et donc, ce n'est pas toujours évident, effectivement, de trouver quelqu'un qui réunisse qui souhaite avoir le rôle qu'on lui réserve et qui ait toutes les caractéristiques nécessaires, dans le sens où nous, on est un groupe qui maintenant se professionnalise. On fait maintenant de plus en plus de tournées, le groupe demande de plus en plus de temps, donc il faut aussi avoir le temps nécessaire pour partir en tournée et pour beaucoup d'autres choses. Il faut avoir un certain niveau de jeu de son instrument. Il y a beaucoup de caractéristiques comme ça qui font que finalement... c'est pas toujours facile de trouver la personne qui va bien s'intégrer, quoi. Donc on a gardé notre bassiste Lucie pendant assez longtemps. Oui, d'ailleurs. Mais le groupe se professionnalisant, elle a décidé de d'arrêter pour faire autre chose. Mais maintenant, on a trouvé un bassiste qui. On souhaite bon courage. On a cherché longtemps et on a trouvé quelqu'un qui, on pense, va rester. Rester pour un bon moment. C'est tout ce qu'on souhaite au groupe, tout ce qu'on lui souhaite, que ça marche bien. On espère. Je voudrais qu'on parle un peu du chant sur ce nouvel album, parce qu'au fur et à mesure de vos albums, vous êtes passé de chant en anglais, un peu d'anglais, un peu de français. Oui. Cet album, on est passé sur du français. Oui. C'est cool de voir des groupes revenir à sa langue, à notre langue maternelle. Que c'était pareil, ça s'est fait naturellement ou c'était une volonté vraiment de votre côté? Oui, alors il y a quand même pas mal de groupes qui chantent en français maintenant, de plus en plus, je pense. Je pense, oui. Et même de manière générale, des groupes qui chantent dans leur langue maternelle, quoi, de par le monde. Oui, ça s'est fait de manière assez naturelle, c'est-à-dire que moi j'y pensais depuis longtemps. J'avais envie de chanter en français, mais je savais pas trop comment faire, parce que c'est un peu bizarre quand on a l'habitude de chanter en anglais. Ça doit être un autre travail même d'écriture. Oui, voilà, et même au niveau du chant, tout est différent. Le français c'est très différent de l'anglais, surtout pour le chant extrême. Et donc je savais pas trop comment faire. Alors dans l'album précédent, c'est comme ça que j'ai décidé d'écrire une version en français de l'un des morceaux, Le Radeau de la Méduse, sur notre album précédent, et de l'inclure. On a décidé de l'inclure en bonus pour voir un petit peu ce que ça allait donner, déjà si moi ça allait me plaire, et si ça allait aussi plaire au public. Donc moi j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé écrire et chanter en français, et donc j'ai décidé cette fois-ci de faire tout l'album en français, quoi. Et je pense que je vais continuer. Cool. À partir de maintenant. C'est super. Alors, je vais mélanger en plus, rebondir sur ça et mélanger un peu avec ma question suivante. C'est qu'en plus, vous avez signé chez Napalm Records sur votre précédent album, qui est un groupe, enfin, c'est un énorme label qui est autrichien d'origine, donc plutôt étranger, donc qui aurait plutôt tendance, possiblement, à favoriser l'anglais qui est passe-partout, mais. Non, vous êtes quand même passé en français, mais c'est très bien. Et justement, en fait, j'en profite, je vais jusqu'au bout de ma question, c'est que aujourd'hui, signé chez Napalm Records, de ce que vous me dites déjà, j'ai l'impression que ça vous met pas de limite dans vos choix créatifs, et ça déjà c'est super. Et en fait, qu'est-ce que vous apporte cette signature chez cet énorme label? Alors, oui, alors, pardon, ça fait un peu. Non, je regardais juste si Marion allait répondre. Je peux répondre. Enfin, j'aurais un truc à dire, mais tu peux y aller. Vas-y, Martin. Alors, sur les contraintes. C'est parfait. Sur les contraintes artistiques, alors, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on aurait dit ils mettent aucune contrainte. Là, on ne les a pas prévenus qu'on allait faire un album en français. Et en fait, ils sont revenus vers nous. En mode un petit peu, cet album en français, mais pourquoi, etc. Oui. Et donc. On était étonnés parce que, tu vois, jusqu'à présent, ils n'avaient jamais émis la moindre opinion sur les albums qu'on leur livrait, quoi. Et du coup, après, sur finalement ce qu'apporte une signature, un label comme ça. Alors, j'en profite d'être sur dans une émission finalement qui est en français pour pouvoir qu'on dise véritablement ce qu'on pense, etc. C'est que ça apporte pas grand chose en fait. D'accord. Voilà, pour être tout à fait sincère. Non, c'est intéressant parce que tu vois, il y a d'autres qui. Enfin, on pourrait s'imaginer que justement, très gros label égale très grosse puissance. Alors, et donc, pour être tout à fait honnête, je pense que le modèle de ces labels-là, en fait, il évolue vers quelque chose qui est de moins en moins intéressant pour les groupes. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ils investissent très, très peu d'argent sur nous. Nous, on investit beaucoup plus d'argent et de temps sur notre album que ce qu'eux, ils font. En termes de budget publicité, c'est, par exemple, nous, on investit 15 fois plus qu'eux, des choses comme ça. D'accord. Et en fait, c'est quelque chose qu'on sait. Ils investissent très peu. Hein. On n'investit pas 20 000 euros en publicité. Oui, non, mais je comprends bien. C'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément quand on signe sur un label, parce qu'on imagine que les labels fonctionnent toujours comme en fait il y a 20 ans, il y a 25 ans. Mais en fait, aujourd'hui, les labels comme ça, alors particulièrement en fait Napalm Records, mais en fait, leur recette, c'est de signer des groupes qui marchent déjà et en fait de faire le minimum pour faire rentrer de l'argent. Donc nous, ça veut dire qu'en fait, on fait presque autant de travail qu'avant. Okay. Mais par contre, on a beaucoup moins de recettes parce que par contre, ils prennent une grosse part des revenus. Concrètement, ce qu'ils apportent, c'est la distribution dans différents pays. Donc, nos albums peuvent être dans les bacs dans différents pays. Mais en fait, on touche tellement peu d'argent. On touche 1 euro par CD vendu. Ouais. C'est tellement peu qu'en fait, on pourrait vendre 10, 15 fois moins de CD en étant indépendant, par exemple. Et en fait, on toucherait autant. Et après, ils font un petit peu de promo, mais vraiment quasiment rien. Et est-ce qu'il propose est-ce qu'il sert à quelque chose d'autre? Eh bien, pas vraiment. Voilà. Donc, en gros, si vous êtes un groupe et que vous voulez vous développer, en fait, ne comptez pas sur ces labels parce qu'en fait, Ils vous signeront si vous avez déjà la capacité de vous développer et ils ne vous aideront pas forcément à le faire. Oui, et... Je rebondirai sur ça après parce que du coup, j'ai une question qui me vient naturellement. Mais vas-y, d'abord, parle. Oui, non, j'allais dire que l'un des avantages... Enfin, Martin parlait de ce qu'apporte le label, il y a effectivement la distribution. L'autre avantage, c'est purement quelque chose de très symbolique, c'est-à-dire que les gens... pour les gens, en général le public, mais aussi pour les acteurs du milieu, ça apporte de la crédibilité, ouais. Mais c'est vraiment juste c'est dans le nom, c'est le label, ouais. C'est-à-dire oui, que c'est un tampon. Mais c'est très cher payé. Mais ça ne nous aide pas à avoir des slots en festival, à booker des tournées, à avoir des premières parties, ça nous aide. Tout ça, c'est des choses qu'on fait nous-mêmes. Okay. Même pas à financer l'album, parce que par exemple, on finance 100% notre album nous-mêmes. On finance plus de 90% des clips nous-mêmes. Il faut qu'on leur achète les CD qu'on veut vendre et en plus, ils nous les vendent super cher. Oui, oui. Donc, ce n'est pas extrêmement positif comme partenariat. Mais vu qu'on s'exprime en français tranquillement notre contrat se termine bientôt. Voilà. Oui, c'est le dernier album qui est notre contrat. Donc, en fait, on peut dire ce qu'on veut. J'allais en dire, mais du coup, ma question, c'est est-ce que vous envisagez de devenir indépendant sur votre distribution pour les prochains albums, étant donné que ça vous coûte plus que ce que ça vous rapporte ? Mais en fait, on était indépendant avant, mm-hmm. parce que jusqu'en 2019, même notre album qu'on a sorti en 2019, oui, Procopton... J'ai pas noté le label sur lequel vous êtes passé juste avant. C'était Premier World Records. En fait, on était indépendant, c'est notre propre structure. Okay, et en fait, c'est grâce à cette expérience qu'on s'est rendu compte que sortir un album, en fait, c'est pas très compliqué. En fait, ça demande du temps, mais en fait, ça vaut vraiment largement le coup. Bon, ça demande quand même un petit peu de boulot pour se former, il faut lire des bouquins, savoir comment ça marche, la promo. Mais après, quand on vend par exemple un CD, qu'on va vendre 15 euros, quand on est indépendant, on se fait 13 euros de marge plutôt que 1 euro. Donc, en fait, on gagnait beaucoup plus d'argent, on avait beaucoup plus de moyens, finalement, quand on était indépendant qu'aujourd'hui. Et ça, c'était alors qu'on était beaucoup plus petits. Donc, on ne sait pas encore ce qu'on va faire dans la suite. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas prolonger notre contrat avec eux. Non, c'est sûr. Voilà. Okay. Y a de très fortes chances qu'en fait, on s'oriente vers être indépendant de nouveau, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que les groupes font de nouveau. Par exemple, là, il n'y a pas longtemps, il y a Arcspire qui a lancé un crowdfunding en partant de chez Season of Peace en disant, en gros, la même chose que nous. Sauf que eux, ils touchaient 3 euros par album et pas 1 euro comme nous. Ouais. Mais déjà, c'était insatisfaisant. Arcspire, c'est un nom qui est dans le milieu et qui est hyper implanté depuis très longtemps maintenant. Oui, mais je tiens à dire aussi que tous les labels ne proposent pas les mêmes types de contrats. Tous les groupes sont avec des contrats différents. Donc, au sein d'un même label, on peut avoir un contrat plus ou moins avantageux. Et les labels, aussi d'un label à l'autre, les labels peuvent être plus ou moins réglo avec les groupes et les aider plus ou moins. Voilà, donc on a évidemment. Mais c'est vrai que c'est un modèle qui est bien différent de il y a 30 ans où les artistes signaient des contrats d'artistes et c'était complètement différent. Aujourd'hui, on signe des contrats de licence, c'est-à-dire qu'on produit les albums nous-mêmes avec notre argent. Et le label les presse et les vend et renvoie très peu d'argent. Il y a beaucoup de désavantages. C'est plus ou moins avantageux suivant les groupes et les labels, mais ça reste quand même un modèle qui devient de plus en plus difficile. Et aussi, mais disons que ce que je voulais dire quand je parlais d'Arcspire, c'était que c'est un exemple de groupe qui est bien établi et qui finalement avait déjà un contrat plus intéressant que le nôtre et que... Je pense que quasiment tous les groupes qui sont chez Napalm Records ont le même contrat que nous. Et pourtant, en fait, quand ils expliquent comment ça fonctionne et en effet la part qu'ils récupèrent, en effet, c'est pas intéressant pour eux du tout. Et là, finalement, ils font un crowdfunding qui se passe extrêmement bien. Ils ont réuni des centaines de milliers d'euros. Alors évidemment, c'est Arcspire, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est pas finalement le montant qu'ils obtiennent. C'est combien de fois ils obtiennent plus que si finalement ils étaient chez un label, et c'est beaucoup, un grand nombre de fois plus. Et pour un groupe qui a une fanbase, qui a son public, ça peut faire la différence entre pouvoir vivre de la musique et s'y consacrer, ou être obligé de travailler à côté et de trimer, quoi, parce que de devoir conjuguer un petit peu toutes ces parties de sa vie, quoi. J'ai une dernière question par rapport à cet album, après on va passer sur les un peu plus à côté. Sur tous vos autres albums, vous avez toujours sorti tous vos titres en instrumental, sur une sorte de deuxième CD avec tout l'instrumental. Là, sur Utopie, de ce que j'ai vu, vous comptez pas le faire. Si. Ah si. Okay. Alors, C'est juste que le label, ce qu'ils m'ont envoyé, j'avais pas la deuxième partie. Ils l'ont pas envoyé avec. Oui. Pas pourquoi ils envoient pas les instrumentales. Souvent, ils envoient pas les paroles non plus. Non, c'est pareil. Ah ben. Ni le livret. Nous, on leur envoie tous les fichiers à temps, mais ouais. Bon. Si, il y aura les versions instrumentales. Ok. Voilà. Et c'est du coup, question un peu dans l'autre sens. Pourquoi vous faites ça à chaque fois? C'est ce qui est intéressant parce que ça, une musique peut rien avoir à voir entre avec du chant, pas de chant, en modifiant certains instruments. C'est toujours très intéressant. Mais du coup, faire tout l'album à chaque fois, je me demande pourquoi. Il y a une explication très simple. En fait, il y a deux explications. La première, c'est que à l'origine, au tout début, notre premier EP, le premier EP que j'avais sorti tout seul, était instrumental. Mm-hmm. Et étant donné que on avait le groupe avait quelques fans à ce moment-là qui du coup nous suivaient parce qu'ils aiment la musique instrumentale, notre premier album, Memento Mori, on l'a sorti en version instrumentale aussi pour que au moins ce public puisse avoir une version instrumentale. Et finalement, on l'a fait d'album en album. Okay. Et il y a une deuxième raison, c'est que, qui valide, disons, la première, c'est que ça ne nous coûte rien virtuellement. En fait, on demande juste à notre ingénieur du son de nous exporter une version sans le chant. On fait un mastering un petit peu différent des autres versions, mais en fait, le coût est extrêmement faible. Et bon, ça ne nous rapporte rien, ça ne nous rapporte pas spécialement d'argent ni quoi que ce soit, mais il y a des personnes qui aiment écouter ces versions instrumentales, et vu que ça ne nous coûte rien, pourquoi ne pas le faire ? Je trouve que c'est intéressant. Et puis je rajoute que, comme je te le disais, Martin compose la musique. Je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais il compose toute la musique et ensuite moi j'écris les paroles. Donc je l'avais déduit de ce que vous m'aviez expliqué avant. Mais donc finalement la manière dont il compose fait que les morceaux en instrumental tiennent d'eux-mêmes sans avoir forcément besoin de chant. Plus ou moins. Vous envisagez pas de faire des concerts justement totalement instrumentaux à certains moments? Alors non. Alors non, mais parce que pour aller jusqu'au bout de l'idée, c'est pour ça. Non, que... parce que là c'est plus un bonus, tu vois. Ouais. C'est plus pour les gens qui. Après, il y a plein de gens qui aiment bien écouter la musique instrumentale. Tu vois, par exemple au travail, on n'a pas forcément envie d'avoir du chant. Donc c'est quelque chose qui nous est demandé de toute façon. Et même nous, on aime bien d'ailleurs écouter de la musique instrumentale. Donc, je trouve que c'est cool. D'ailleurs, il y a pas mal de groupes qui le font. Hein. Maintenant, aller jusqu'à un concert, je ne sais pas, parce qu'au tout début du groupe, comme on avait cette EP que Martin avait composée, on donnait des concerts qui étaient uniquement instrumentaux. On n'en a pas donné beaucoup à l'époque. Nos premiers concerts qu'on a donnés à Toulouse... Je crois qu'on a donné 4. qu'on a donné à Toulouse, c'était des concerts en instrumental. Alors, c'est bien, mais c'est quand même un peu plus difficile, tu vois, pour les gens de se connecter au groupe. Tu vois. Le chant aide beaucoup à... Oui, mais ça ponctue, ça crée... La connexion au public est différente sans le chant. Alors, je sais qu'il y a des groupes qui sont uniquement instrumentaux et c'est super et tout, mais c'est vrai que c'est quand même... peu plus chouette d'avoir du chant sur scène. Quoi. Peut-être dans des conditions un peu particulières. Je pense par exemple à Maudit était venu à Toulouse avec Clone pour jouer dans l'église du Jésus, je ne sais jamais comment on le dit, du Jésus qui est à Toulouse. Ouais. Moi j'étais sur place, j'ai vu ce concert-là. Franchement, ça avait, avec le cadre et tout ça, je ne suis pas forcément trop musique instrumentale. En live, mais là, avec ce cadre-là, c'était, il y avait une puissance, il y avait un effet qui pouvait être assez incroyable. Ouais. Alors, ça venait aussi du lieu, tu vois. Ah, mais le lieu, il jouait aussi, bien sûr. Même si Maudit, en termes de musique, c'est très solide aussi. Bien sûr, non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a vraiment le type de musique, le lieu où c'est interprété, tu vois, dans une salle de concert, c'est un peu différent, mais bon, Maudit, c'est de la musique instrumentale de toute façon. On pourrait hein, puisqu'après tout moi je joue de la guitare aussi donc oui tu t'ennuierais pas mais de temps en temps on se demande tu vois si on doit pas remettre un morceau instrumental dans le set et on le fait jamais Oui, généralement. Généralement, c'est moi qui en reparle. Et on me dit, non, c'est pas une bonne idée. Je ne sais après, pas pourquoi tu dis ça. Bah si, parce que j'avais proposé là, pour notre tournée à venir. Et puis on me dit, non, pas trop. Mais après, pour être honnête, la musique que je compose, on rend disponible les versions instrumentales, mais à part quelques morceaux qui sont instrumentaux de base, elle n'est pas pensée pour être instrumentale. Et donc, moi-même, quand je l'écoute, en fait, si je veux composer des morceaux qui vont marcher en instrumental, en fait, je vais apporter une richesse un peu plus importante sur les instruments. Donc, je pense que si on voulait faire un concert instrumental, il faudrait avant que je compose des morceaux spécialement pour qu'ils soient joués de cette façon. C'est possible, ouais. Mais la plupart des morceaux qu'on joue, sinon, je pense qu'ils se suffisent pas forcément à eux-mêmes, vu qu'ils ont été composés pour qu'il y ait du chant par-dessus. Ouais, okay. Il n'y a pas forcément beaucoup besoin d'énormément de différences, mais par exemple, les mélodies de chant, il faudrait un instrument supplémentaire qui les joue. Je ne sais pas, ça se réfléchirait. Okay. Non, mais très bonne question. C'est une idée comme ça, vu que moi, j'approuve. Le matériel en plus, c'est pour ça. Bah, tant qu'on parle de tournée, tu viens de le dire, vous allez bientôt partir en tournée. Est-ce que ouais. Tu peux me dire un peu où est-ce que vous allez passer, où est-ce que vous allez jouer, avec qui? Oui, alors déjà, disclaimer, parce qu'on nous demande, on va faire une tournée européenne, et on nous demande, mais pourquoi vous ne jouez pas en France? Mais ça arrive, en fait. J'ai vu sur les réseaux que vous aviez déjà dit que ça arrivait, ouais. Ouais. Oui, parce que tout le monde nous le demande tout le temps, mais en fait, on n'y peut rien. En fait, on a voulu planifier, on a lancé la planification des deux en même temps, mais on a un agent pour la France et un agent pour l'Europe qui travaillent finalement séparément. Et notre agent pour l'Europe, il était très très chaud pour finalement faire la tournée dès que possible, dès que l'album sort, on s'en tirait, donc ça nous fait une tournée en novembre. Et notre agent en France, bah, lui, ça l'arrangeait plutôt de le faire début 2026. Donc on ne l'a pas encore annoncé, mais en fait, on aura une tournée française début 2026. Voilà, donc, oui, on l'a fait à part pour pouvoir jouer dans plus de villes. Voilà. Oui, parce que c'est plus cool aussi. Donc, on fait une tournée française pour faire le tour de la France et non pas juste jouer dans deux ou trois villes au sein d'une tournée européenne. Ouais. Quoi. Mais en novembre et début décembre, donc on va faire une tournée européenne dans 9 pays. Donc, je connais par cœur parce que je réserve tous les hôtels pour les tournées, donc je me fais les stats tous les jours pour vérifier que j'ai rien oublié. Donc on sera dans, du coup il y a 21 concerts, 9 pays, et on joue beaucoup en Allemagne parce que bon, voilà, c'est un gros marché, l'Allemagne. C'est un fief métal. C'est ça. Il y a beaucoup de grandes villes. Oui. Ouais. Beaucoup de grandes villes. Beaucoup de lieux, de lieux dédiés au métal. Ils écoutent vraiment beaucoup de métal là-bas, et ça associé avec le fait qu'ils ont quand même un niveau de vie qui est pas mal, qui est supérieur par rapport à la France. Ça fait que voilà, les gens, ils ont le budget pour aller voir des concerts. Donc voilà, on a, je crois, 8 concerts sur les 21 qui sont en Allemagne. Mmh. Mais sinon, voilà, on va jouer aussi en Finlande. On a 3 concerts en Finlande, donc on est super contents. Un en Hongrie, un en République tchèque. Enfin, on va jouer à Budapest en Hongrie. On va jouer à Prague en République tchèque. À Vienne. Puis on va jouer en Pologne aussi, 2 dates. 2 dates. Ah oui, alors par contre, la prononciation. Cracovie, on dit en français. C'est Cracovie et Varsovie. Oui, c'est ça. Et puis, aux Pays-Bas, en Belgique, au Royaume-Uni, en Angleterre uniquement, et en Lituanie. Ah non, t'as raison. Oui, en Lituanie. Voilà on a une date en Lituanie. Tout. Et c'est tout pour cette tournée. Mais, c'est déjà super. Enfin, ouais, on est déjà super content, mais on est déjà en train de préparer d'autres, alors du coup en France, mais aussi en Europe. Et aussi, on essaye de tenter des trucs dans d'autres parties du monde. Bon, c'est un peu plus difficile, mais en principe, en 2026, on va faire pas mal de concerts. Oui, il y a plein d'autres pays où on peut jouer, en Roumanie, en Grèce, en Italie, en Espagne. Donc, on va prévoir ça pour 2026. Même Suède, Norvège, je pense, des opportunités qui peuvent se créer aussi. Oui, là, on aurait vraiment voulu y jouer parce qu'on y passe, mais en fait... Les organisateurs qui font jouer les groupes qui ont notre taille dans notre style, en fait, ils étaient déjà pris pour pile les tailles où on y était. Donc, tant pis, on traverse les pays et puis on va passer un jour à visiter Stockholm en touriste, mais c'est tout. On va pas se plaindre. Oui. C'est déjà bien, oui. Oui, oui, oui. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que vous avez presque une notoriété plus importante à l'étranger qu'en France. C'est pas quelque chose de négatif, mais enfin, AFA Neymar, en France, on connaît, encore plus quand on est toulousain. On connaît au minimum un petit peu. Là où j'ai l'impression que ben, vous cartonnez carrément dans, voilà, dans d'autres pays, ben, l'Allemagne, 8 concerts, c'est quand même. C'est pas pour rien, c'est qu'il y a un vrai public qui reçoit votre musique. Oui, mais tu vois, je pense pas qu'on soit plus connu en Allemagne qu'en France. Je pense que c'est à peu près équivalent. Ouais. On a à peu près la même taille. Ça se discute. C'est suivant difficile les chiffres qu'on, ouais. qu'on prend, par exemple, si on regarde les chiffres des ventes, on va plus vendre en Allemagne qu'en France, mais c'est pas de beaucoup, tu vois. Ouais. C'est aussi plus de gens. Donc c'est ça pour le coup, ça peut aussi être culturel d'acheter ou non du support physique. Oui, tu vois. C'est pour ça que je dis que c'est à peu près équivalent. Non, je pense qu'on a à peu près la même taille dans les deux pays et dans pas mal de pays européens. Non, c'est simplement que on s'est développé en fait un peu partout en même temps. Donc dès le début du groupe, quand Martin a créé le groupe, il est allé chercher vraiment des fans un peu partout. Donc on avait quelques fans dans, tu vois, chaque pays, pas beaucoup. Et en fait, ça s'est développé comme ça, de manière organique, un petit peu partout. Le seul truc qui est un peu bizarre, on va dire, c'est que habituellement, les groupes sont plus forts dans leur pays. Mm-hmm. Et ce n'est pas notre cas. On est à peu près autant connus en France qu'on peut l'être en Allemagne ou en Finlande, par exemple. Ce qui est difficile, c'est ça dépend vraiment en fait, des plateformes qu'on garde, des statistiques, parce qu'en fait, par exemple, pour savoir si on est plus gros en France ou en Allemagne, qu'est-ce qu'on regarde ? Est-ce qu'on regarde Facebook ou les ventes ou YouTube ? Je sais que, par exemple, sur Spotify, la dernière fois que j'ai regardé, on était beaucoup plus gros en Allemagne parce qu'on avait genre 8000 auditeurs mensuels en Allemagne contre 1500 en France. Mais en fait, il y a ça des biais sur des chaque plateforme. Ouais. Parce qu'aussi, il y a des plateformes, par exemple, en France, beaucoup de gens utilisent Deezer. Oui, donc, c'est mon cas. Voilà. Oui, voilà. Donc, c'est du mon coup, cas en fait, aussi. Voilà. Si on regarde qu'une seule plateforme, en fait, on est forcément biaisé. Ouais. Donc, ce qui est sûr, c'est que, comme Marion le disait, dès le début, en fait, on s'est développé un peu partout parce que, bon, déjà parce qu'on fait un genre qui n'est pas forcément extrêmement populaire en France, le death mélodique. Alors maintenant, ça va mieux. Disons qu'il n'y a pas de scène death mélodique ouais, en France. C'est ça. Voilà. C'est pas que les gens n'aiment pas ce style, mais non. C'est plus qu'il n'y a pas tellement de groupes oui. De ce style-là, tout simplement. Parce qu'à côté de ça, dès qu'on reçoit les oui. grosses tests death mélo, le bikini était plein pour c'est une exactement flame, ça. Oui, oui, voilà, oui, voilà. C'est exactement ah, oui, ça. C'est pas que ça manque voilà. de public, même c'est pour ça. Le métal mélodique au sens large. C'est plus que, voilà, historiquement, c'est pas un style qui s'est développé ici. Voilà. Ben, au début, je raconte toujours ça, mais c'est parce que c'est vrai, c'est que quand on a fait notre première tournée française en 2019, ben, en fait, on voulait jouer dans différentes villes et on galérait pour trouver dans chaque ville des groupes qui étaient dans un style pas trop éloigné d'une autre, mais vraiment on galérait énormément, alors que c'était, genre, je sais pas, c'était genre... Paris, Strasbourg, non, Nantes, Bordeaux, Montpellier, enfin, c'est pas des petites villes. Mmh. Et souvent, en fait, on jouait du coup avec des groupes qui étaient pas vraiment proches, qui faisaient une sorte de. Soit des styles, ça pouvait être du prog mélodique, du symphonique, des fois du hardcore. Parce qu'en fait, en France, il y a beaucoup de fans de death mélodique, parce que, comme tu le dis, en fait, quand il y a des groupes étrangers qui viennent, il y a beaucoup de public. Ouais. Mais je pense que la confiance qu'ont les Français en leur propre groupe, elle n'a pas été très haute. Pendant très longtemps, elle n'était pas très haute. Et ça s'améliore vraiment, visiblement, oui. d'année en année. Là, ces dernières années, je trouve qu'il y a une vraie plus-value des groupes sur la scène française, mais oui. puis d'un peu dans tous les styles. Oui, non, mais complètement. Les gens sont fiers parce qu'il y a plein de groupes qui se développent vachement. Mais... Et puis, il y a des groupes. Dans qui... le metalcore et tout en particulier, il y a plein de groupes qui deviennent très, très connus. Landmarks, par exemple. Voilà. Mais c'était assez. Gojira et tout. Donc, du coup, les gens sont vachement fiers de ça maintenant. Même un Alceste a été oui. très connu à l'étranger avant de commencer à percer un petit peu en France. Bah, je suis très content que tu dises ça parce que. Oui. Ça, c'est un truc que moi je dis toujours. Et en fait, j'ai jamais entendu quelqu'un qui l'exprimait aussi. Donc, je suis très content parce que je suis d'accord avec toi. Et parce qu'après, une fois que les groupes ils sont gros en France, on a l'impression qu'ils l'ont toujours été. Une fois que c'est pareil pour Gojira, parce que Gojira, quand ils ont commencé à percer, ils marchaient en France. C'est pas, ils faisaient des concerts qui avaient du succès. Mais surtout, c'est quand ils ont explosé aux États-Unis que finalement, le fait d'être très, très gros aux États-Unis. A rejailli en France et que tout le monde s'est dit mais c'est incroyable et mais voilà pas plus tard qu'il y a 10 ans en fait à l'époque je faisais la promo en contactant limite des personnes une par une parce que quand on commence un groupe c'est ça et très très très souvent quand je contactais des personnes qui étaient français ou quand je voyais des gens qui commentaient les groupes français, les Français disaient souvent moi j'écoute pas de groupe français. Parce que juste, oui, il considérait. Juste pas envie de se faire spammer. Peut-être que c'est comme quand on te démarche par téléphone, tu vois. Non, mais je ne l'ai démarché pas. Je l'ai démarché. C'est une excuse. Je ne l'ai démarché pas comme ça. C'est quand tu postes dans des groupes Facebook, etc. C'est juste que beaucoup de personnes, en fait, se disaient les groupes français, ils ne sont juste pas bien. Donc, en fait, je n'écoute pas. J'ai l'impression que c'est aussi beaucoup lié à la vague néo qu'il y a eu en France. C'est qui possible. A été plus ou moins bien accueillis, parce que les Plémos, par exemple, enfin, je prends ce groupe-là, parce que en fait, soit ils ont été adorés, soit ils ont été totalement haïs. Mais en fait, il n'y a pas eu de juste milieu de reconnaissance pour ce genre de groupe. Ils étaient aimés par le public métalleux un peu mainstream, c'est-à-dire qui a des goûts un peu variés, et ils étaient mal aimés, ou détestés même par les gens qui se réclament du vrai métal. Voilà. C'est un peu toujours la même histoire. C'est ça. Mais pour moi, il y a eu toute une... des groupes qui sont apparus à peu près dans ces années-là, ça a été hyper tranché comme ça. Ouais, je suis d'accord. Soit c'était aimé, soit c'était totalement détesté. Ouais, alors qu'il y a vraiment des groupes de tout style en France. Il y a une scène extrême qui est prolifique. Il y a vraiment des groupes dans plein de styles différents, tous les styles de métal et des super groupes, quoi. Mais je pense que ça a changé maintenant. Je pense que les gens ont changé. À mon avis, je sais pas. J'ai l'impression que les Français, maintenant, sont très fiers de leur scène. J'ai l'impression. En tout cas, nous, c'est le principe de notre média, c'est de soutenir la scène française. Donc, on va espérer que les Français continuent à aimer ça. Sinon, je pense qu'en fait, petit à petit, quand les Français voient au moins un groupe qui perce dans un genre, en fait, ils se mettent à, du coup, croire dans le fait que les Français peuvent marcher dans ce genre, et ça crée une scène, parce que c'est vrai que sur Monte, il y a 30 ans, bon, on va me parler de la scène heavy metal, oui, c'est vrai, il y avait la scène heavy metal, voilà, et sinon, il y avait la scène des groupes qui était du rock metal, qui chantait en français. Alors, je vais pas mentionner le nom, parce que sinon, je vais me faire insulter en me disant non, mais on va me dire, c'est pas exactement ça, etc. Mais il y avait plein de groupes de cette scène qui marchaient très bien. Mais par exemple, le métal extrême, il y a genre 30 ans, bof. Et puis après, il y a eu des groupes comme Gojira. Et là, en fait, il y a une grosse scène extrême. Et puis après, il y a eu des groupes de metalcore, de hardcore qui ont commencé à marcher. Et là, maintenant, on a une scène dans ces styles-là. Donc c'est comme si à chaque fois qu'il y avait un groupe qui marchait vraiment bien dans un style, en fait, ça inspirait vraiment tout le monde à croire dans ce style. Et en fait, ça inspirait aussi les gens à lancer des groupes dans ces styles, et finalement ça fait des scènes. Mais d'ailleurs, du coup, on peut tout simplement dire que c'est pas spécifique à la France. Oui. C'est juste que la scène métal en France a mis plus de temps à se développer par rapport à des pays comme l'Angleterre ou le Royaume-Uni ou l'Allemagne, où leur scène métal s'est développée depuis les origines très fortement. Chez nous, ça a été beaucoup plus long. Et donc forcément, on est juste à une étape, une nouvelle étape, quoi. Comment vous jugez votre relation avec le public toulousain, plus précisément, justement ? Parce que ces dernières années, vous n'avez pas beaucoup joué du coup sur Toulouse, tout ça. Enfin, là, je prends l'exemple, peut-être le groupe le plus connu de Toulouse, ça doit être Sidi Larsen, je pense, qu'on vous accorde là-dessus. Bien, je pense, ouais. Globalement, ils font un bikini chaque année. Plus ou moins, vous voyez, enfin, ils font quand même en sorte d'avoir une récurrence dans leur ville qui est assez régulière. Vous êtes beaucoup plus rare, même chez vous. Comment vous vivez justement cette relation toulousaine ? En réalité, on souhaite pas jouer tous les ans, on joue une fois par album en fait, mais finalement ça. Un peu comme on fait partout, hein. Ouais. C'est-à-dire on organise un concert pour chaque nouvel album. Bon, là, le truc, c'est que ça fait 4 ans qu'on n'a pas sorti d'album. Donc, c'est pour ça. Quoique non. Après, on a joué en 2023. Ouais, mais c'est parce qu'on a joué à la bourre par rapport à notre album Covid. Parce qu'il y avait eu le Covid, etc. Et donc, on a organisé. Donc là, finalement, ça fait que 2 ans, en vrai. Tu vois ? Ah, mais je pense qu'après, c'est aussi la conséquence de ce qu'on a dit avant. C'est que nous, en fait, notre public, il est étalé. Donc, il est étalé partout dans un certain nombre de pays. Donc, finalement... à mon avis, si on comparait notre fanbase par rapport à celle de Sidi Larsen, on a beaucoup moins de fans à Toulouse que Sidi Larsen. Et eux, ils ont une fanbase très probablement beaucoup plus concentrée déjà sur la France. et peut-être plus concentré sur Toulouse, ce qui fait qu'ils peuvent aussi, ils ont la possibilité de jouer tous les ans et d'avoir du succès. Nous, on ne pourrait pas. Pour qu'on fasse une bonne date à Toulouse, bon, on a du public à Toulouse, évidemment. Ça... Je pense que c'est ici qu'on fait les meilleurs scores. Donc. Oui, c'est très clairement ici qu'on fait les meilleurs scores, etc. Mais je ne pense pas qu'on puisse faire une date par année et avoir le succès qu'eux, ils ont, tout simplement, d'un point de vue arithmétique, parce que nous, il y a à peu près 10% des gens qui nous suivent qui sont en France. Donc en fait, on étale ces 10% de gens en France. Et après, 90% est ailleurs. Donc, on préfère faire une date de temps en temps, mais avoir du monde et que ce soit une belle date plutôt que de jouer plus souvent. Mais peut-être qu'un jour, on fera plus de concerts. Hein, c'est possible. Ouais. Non, mais c'était juste... c'est une bonne question. Et C'est sûr que comparé à Sidi Larsen, c'est peut-être pas le meilleur chose aussi à faire parce que c'est un style qui est beaucoup plus large et grand public que du death metal quand même qui déjà devient un peu plus niche que du metal alternatif. C'est sûr. Plus de monde peut aller voir les Sidi Larsen et kiffer le son moment plus que sur du death metal où il faut déjà avoir l'oreille qui est un peu préparée à ça. Peut-être. En tout cas, il y aura une date à Toulouse en 2026, bien sûr. Ah oui, on connaît la date, mais on ne va pas la dire. On la connaît. On y compte. Je n'ai pas encore annoncé, mais voilà, on va bien sûr jouer ici. Ok. Allez, dernière petite question, c'est plus pour l'anecdote. On vient de le dire, vous passez dans un peu tous les pays régulièrement. Vous avez fait ces dernières années à peu près tous les plus gros festivals européens. Oh, vous en avez fait quand même. On fait quelques-uns, mais pas tous. Vous avez été lié au Hellfest, vous avez été lié au Wacken. Oui. Vous avez fait Summerbreeze, voilà, Rockers. Summerbreeze, ouais. Mais c'est à peu près tout. Je vous avais pas vu dans un pays de l'Est aussi pas si longtemps. On devait faire le Rock Marathon, mais il avait été annulé. C'était un gros. On a fait d'autres festivals, mais plus petits. Motocultor. Carmoïguédon en Norvège, mais c'est pas aussi gros. Non, mais je veux dire, dans d'autres pays, par exemple, on a joué au Carmoïguédon en Norvège. Mais c'est des festivals plus petits. Je pense que tu mentionnais plutôt des gros festivals. Quoi. Oui. Globalement, vous avez quand même bien voyagé, vu plein de choses. Oui. C'est quoi votre anecdote de tournée ou de festival qui vous a le plus marqué pour soit le côté waouh, soit pour le côté... qu'est-ce qui se passe? À chaque fois qu'on nous pose cette question, c'est difficile de répondre parce que en fait, il se passe pas grand-chose. Des anecdotes. Non, moi j'allais parler des concerts. Anecdotes ou concerts, quelque chose qui vraiment vous a marqué parce que c'était plus intense que d'habitude justement plus choquant que d'habitude ou autre. Mais alors moi, du coup, pour équilibrer, j'ai une anecdote plutôt genre problème technique, etc., et une anecdote plutôt truc positif comme ça équilibre. L'anecdote plutôt, problème technique, etc., c'est que il y a quelques années, c'était en 2023, 2024, je ne sais plus, qu'on a joué au Gineta. Dans un festival en Espagne. Gineta Rock Festival, comment ça s'appelle, qui en fait est un gros festival en Espagne. Enfin, c'est vraiment devant autant de monde que ce qu'on a joué au Hellfest. Qu'est-ce que tu m'as raconté, Tu te rappelles pas que en fait, on n'avait pas amené notre ingénieur du son. Et du coup, il y avait l'ingénieur du son local. Et en fait, on a eu des petits problèmes de son. C'est qu'on a commencé à jouer et nous, on s'entendait nous-mêmes dans nos écouteurs. Et en fait, les gens, ils nous faisaient des signes parce qu'ils ne nous entendaient pas. Ils n'entendaient pas une guitare, puis après, ils n'entendaient pas l'autre. Et ça, c'est la pire situation pour un groupe parce que quand tu commences à jouer et que tu ne sais pas si les gens, ils t'entendent, c'est pas terrible. Au final, ça s'est réglé. Le concert était très bien et tout ça. Mais ça, c'est le genre de souci qu'on peut avoir quand... quand on n'amène pas notre technicien son, et là, on ne fait plus maintenant, hein, on l'amène tout le temps avec nous. Et du coup, pour équilibrer, je pense que ce serait le seul concert qu'on a fait à Budapest. On a joué en Hongrie. En fait, c'était incroyable. Les gens, c'est là que les gens ont été le plus intenses qu'on les ait jamais vus. On avait lancé à peine le morceau d'intro, qui est calme, et les gens ils se sont mis à faire hey hey, mais à fond, à fond, à fond, du début jusqu'à la fin du concert, mais incroyable. Le concert était sold out et tout, c'est incroyable. Des fois, tu sais pas pourquoi ta fanbase se développe dans un pays, dans une ville. Et là, bon, en Hongrie, on ne sait pas pourquoi. Budapest. On a beaucoup de fans. Là, on va y rejouer et c'est pareil. On devait jouer dans une salle. Finalement, c'est sold out, donc on joue dans une salle plus grande. Et les gens sont hyper intenses là-bas, alors que On n'a jamais fait d'action de promo particulière en Hongrie ni à Budapest, mais il y a un truc. Le style à coller, Voilà. Mais du coup, voilà, ça, c'est mes anecdotes. Et moi, j'ai répondu en premier pour être sûr que tu n'allais pas donner les mêmes. Non, non, mais moi, je vais juste dire que le concert au Summer Breeze cet été était exceptionnel. Oui, alors, c'est pas juste parce que c'est un gros festival, tu vois, parce que, bon... ça dépend vraiment des circonstances. Là, on avait un super slot. Ouais. On jouait à 21h30, 22h, il faisait nuit. Donc, on avait les lives. Juste quand la nuit tombait. Ouais, ça, c'est bien c'était aussi. Plein. Il y avait du monde partout parce que vraiment, c'était la nuit. Donc, la jour, les gens avaient chaud et tout. Il faisait super chaud. Et là, c'était blindé de monde. Et c'était incroyable, vraiment le public était génial. Ouais. Et tu vois, c'est pas tout le temps aussi positif parce que bon, c'est toujours chouette les concerts en festival, mais des fois tu as un slot à 10h du mat, il n'y a pas grand monde, etc. Et là, ça a super bien marché. Et c'était génial parce que du coup, on se rend compte que quand notre musique elle est exposée comme ça, à un public et que le public est là, ça marche en fait, ça peut plaire et ça c'est génial. Oui. Ça donne, tu vois, ça revigore pour la suite. Il suffit qu'on continue et qu'on continue de donner des concerts et qu'il y ait de plus en plus d'opportunités pour que le groupe grandisse et voilà, c'est génial. Bah écoutez, merci pour toutes vos réponses, merci pour cette longue discussion. Je pense qu'on aura fait une grosse interview là ce coup-ci. On parle beaucoup, hein. Mais c'est pas grave, c'est intéressant. Donc c'est. Oh, merci beaucoup, les questions étaient super intéressantes. Ouais, c'est vrai qu'on a parlé longuement, on a mis du temps à répondre, mais merci beaucoup, c'était vraiment top. C'était avec plaisir. Vraiment top. Et donc, on retrouve le 31 octobre. Absolument. Votre nouvel album, Utopie. Chez Napalm Records. Exactement. Alors, on espère que la tournée française sera annoncée d'ici là, mais sinon, ce sera un petit peu plus tard. Mais ça va arriver bientôt. Ok, on l'attend avec impatience. Et la date à Toulouse. Si, merci, si on veut venir vous voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.